Canard en wagon. Dans le compartiment où nous montâmes, à Rouen, un monsieur se trouvait déjà installé. Cet homme, arrivant sans doute du Havre, dormait d'un bon sommeil que je devinais, j'en ai tant vu. Un bon sommeil de pochard ayant bu, plus copieusement qu'il n'était utile, à la santé de la nouvelle année. En face de lui, un superbe épagneul, allongé confortablement sur les coussins de la compagnie, dormait aussi. La fermeture un peu brusque de la porte réveilla les deux voyageurs. L'être humain sursauta, frotta ses yeux, regarda autour de lui d'un œil effaré, rassembla ses souvenirs, débrouilla la réalité et, satisfait, se rassit. Un bon sourire d'heureux poivreau lui plissa les yeux et il nous salua d'une voix enrouée. « Madame, monsieur, soyez les bienvenus dans cette enceinte, si j'ose m'exprimer ainsi. » Alors, il vit son épagneul et feignit de l'indignation à le voir si luxueusement couché. « Oh, je t'en prie, canard, ne te gêne pas. Mets-toi bien à ton aise. Veux-tu un oreiller, une couverture ?» Canard ne daigna point répondre à ses ironies. Ayant sans doute assez dormi, il modifia légèrement son attitude dans le sens de la position du chien assis. Le monsieur intempérant continua à se moquer. « Ah, monsieur Canard voyage en première. Monsieur Canard est donc bien riche. Montrez-moi votre ticket, monsieur Canard. » Mais monsieur Canard persévérait dans son mépris pour les propos du maître. Peut-être le savait-il en ébriété. Le pochard se tourna vers nous et s'informa poliment si la présence de son épagneul ne nous incommodait pas. « Pas le moins du monde, » fûmes-nous unanimes à répondre. « C'est que rien ne serait plus simple de le faire descendre. Il est habitué à suivre les voitures. »« Les voitures peut-être, mais les rapides ?»« Les rapides ? Ah, on voit bien que vous ne connaissez pas Canard. Canard suit les rapides en se jouant et en butinant comme les abeilles. » Tous nos compliments. N'est-ce pas, mon vieux canard, que tu suis un rapide sans te presser, en cueillant des petites fleurs dans les champs pour ton bon mémaître ? Canard répondit par quelques « ouah, ouah » sympathiques. Le maître de canard sortit une pipe de son étui. C'était une longue pipe en terre, infiniment jolie de forme, mais d'une gracilité inquiétante à la voir entre les mains d'un homme qui a bu. La tenant par l'extrême bout du tuyau, il la tapotait sur la paume de sa main pour en extirper de petits corps étrangers qui ne s'y trouvaient d'ailleurs pas. Il tapotait de plus en plus fort. S'inclinant vers son chien, « La fumée de la pipe n'incommode pas, monsieur Canard ?»« Monsieur Canard ne répond pas, c'est que monsieur Canard m'autorise à fumer. » L'homme continuait à tapoter sa pipe. « Hein, mon vieux canard ?» Toi aussi, tu voudrais fumer une bonne pipe, dis. Mais tu ne fumeras rien du tout, tu entends ? Rien du tout. Voilà ce que tu fumeras, rien du tout. Qu'est-ce que diraient madame et monsieur en voyant un chien fumer la pipe en chemin de fer ? C'est à peine si madame et monsieur veulent bien m'autoriser à fumer, moi, qui suis un électeur. N'est-ce pas, madame ? N'est-ce pas, monsieur ? Mais comment donc ? Ce que nous prévoyons arriva. La pipe, trop énergiquement tapotée, se cassa en deux morceaux, le tuyau d'un côté, le fourneau de l'autre. Le pauvre monsieur Poivreau contempla le désastre d'un air stupéfié. Puis ses yeux se portèrent sur le nommé Canard. « Ah, tu ris, toi, espèce de cochon de canard ! Ne pouvant fumer toi-même, ça te fait rigoler que je ne fume pas non plus ! Regardez-le, est-il permis de se... du monde à ce point-là !» Le fait est que Canard avait positivement l'air de rire. Ses lèvres, en manifestation de gaieté, se retroussaient aux commissures. Canard rigolait comme une baleine. « Canard, mon petit canard, si tu continues à te f*** de moi, je te jure que ça va tourner mal !» Canard se dressa sur ses quatre pattes et secoua ses puces. La fureur de l'autre ne connut plus de bornes. Il ouvrit la porte du wagon et, d'un coup de pied dans le derrière, invita poliment l'épagneul à se retirer. Canard roula sur la voie, mais la pauvre bête, à notre grand soulagement, se releva tout de suite et se mit à nous galoper parallèlement. Au bout d'une minute, nous l'avions perdu de vue. Le pochard prenait maintenant une figure de justicier. « J'adore Canard !» nous déclara-t-il. « Mais je ne supporterai jamais qu'il se de moi devant tout le monde, comme il vient de le faire. »« Pauvre bête !»« Je lui en ficherai, moi, des pauvres bêtes. Et puis, vous savez, s'il se permet de rentrer à la maison avant moi, je lui casserai les reins à coups de parapluie. » En arrivant à la gare Saint-Lazare, l'homme sauta vivement sur le trottoir, et quand nous sortîmes, nous l'entendions encore appeler « Psst ! Canard ! Canard ! Come along, canard !» Santa Claus Mistake. Je viens de lire dans un vieux magazine un conte de Noël qui m'a paru tout à fait charmant. Je vais vous le dire à mon tour pour voir si vous serez du même avis. Il y avait une fois un vieux bonhomme d'environ 90 ans. C'était un ancien marin qui était mousse au temps où l'on fit la guerre de l'indépendance. Perclus de rhumatisme et de douleurs goûteuses, le pauvre vieux homme se sentait mûr pour la tombe et le repos céleste. Malgré son âge et ses infirmités, il n'avait pas renoncé aux bonnes plaisanteries. La veille de Noël, il mit son soulier dans la cheminée pour voir. À la porte voisine demeurait la plus délicieuse jeune fille qui se puisse rêver. Pleine de vie et d'allégresse, elle n'avait encore vu fleurir que 16 printemps. Sa figure, ses yeux, ses cheveux, sa bouche, sa taille, ses pieds, rien en elle qui ne fût la grâce même et la perfection. Toute rose d'espérance et de joie, elle mit, la veille de Noël, son soulier dans la cheminée, pour voir. Le matin de Noël, le vieux bonhomme trouva dans la cheminée une foule de boîtes et de paquets soigneusement ficelés. Quand il eut déballé tous ces objets, il essuya ses lunettes plus de 1000 fois, et à la fin, il éclata de rire, pensant qu'il rêvait. Voici ce qu'il y avait dans les boîtes et dans les paquets. Des peignes en écailles, des épingles à cheveux, des bracelets, des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, des jarretières, des gants, des robes de toutes les couleurs, un chapeau avec un petit oiseau dessus, un chapeau avec des rubans, un chapeau avec des fleurs, des éventails, un nécessaire de toilette, des souliers de bal en satin, des corsets, oh, cette taille, des ombrelles, des bas de soie, une foule de flacons de parfumerie, deux manchons, plus de 20 livres de confiture, un toutou havanais et quantité d'autres objets de même nature qu'il serait fastidieux d'énumérer. L'ancien marin essuya ses lunettes encore une fois et fit cette réflexion. Quelle singulière aventure et quel drôle d'objet pour un vieux bonhomme comme moi, si près de la tombe. Pour sûr, et j'en suis effrayé, le Père Noël a bu un petit coup de trop cette nuit. Le matin de Noël, la jolie fillette trouva dans la cheminée une foule de boîtes et de paquets soigneusement ficelés. Quand elle eut déballé tous ces objets, elle frotta ses jolis grands yeux plus de 1000 fois et à la fin, elle éclata de rire, pensant qu'elle rêvait. Voici ce qu'il y avait dans les boîtes et dans les paquets. 2 paires de besicles en or, 6 gros cache-nez de laine, 2 tabatières, 12 pipes, 3 livres de tabac à priser et 6 livres de tabac à fumer, 12 douzaines de bonnets de coton, 1 chancelière, 1 boîte de rasoir avec tout ce qu'il faut pour se faire la barbe, 3 bonnes et solides cannes, 1 livre de prières imprimé en gros caractères, tout un assortiment de bonnes vieilles liqueurs hollandaises d'Erwin Lucasbol et quantité d'autres objets qu'il serait fastidieux d'énumérer. La jolie fillette se frotta les yeux encore une fois et fit cette réflexion. Quelle singulière aventure! Et les drôles d'objets pour une petite fleur des champs comme moi! Sans doute, Papa Noël a cru que c'était aujourd'hui 1er avril. La nuit passée, le Père Noël s'aperçut de son erreur. Alors, il se mit à rire, à rire, à rire, d'un rire qui lui secouait tout le corps. Il en était malade. Mais le soir, quand le vieux marin rentra dans sa chambre et qu'il aperçut le changement opéré, son esprit fut frappé de surprise, de joie et aussi un peu de mélancolie. Après dîner, quand la charmante fillette rentra dans sa chambre, pas un paquet de pétards au monde n'aurait produit un fracas comparable à l'explosion de ses cris de joie et de surprise. Et maintenant, quand le vieux bonhomme se rappelle son aventure, les idées sont très embrouillées, et il se demande si ce n'est pas lui qui avait bu un petit coup de trop ce jour-là. Quant à la fillette, ses idées sont aussi très embrouillées. Elle croit qu'elle a rêvé, la jolie petite Daisy. Mais elle n'en est pas bien sûre. Misère. Depuis quelque temps, on n'entend parler que de malheur. Jetez les yeux autour de vous et un long cortège de misère vous apparaîtra, douloureux, insecourable hélas. Pour ma part, deux de mes amis viennent d'être ruinés de fond en comble. Le premier, un nommé Anatole, avait placé toute sa fortune dans la Société Générale des Moteurs à Eau de Mélisse pour voitures de Cujat. La faillite de cette compagnie réduit Anatole à la plus affreuse indigence. Mon autre ami, un nommé Gustave, a reçu ce matin même, du Spitzberg, une dépêche qui lui annonce sa déconfiture intégrale. Les immenses plantations de lichen qu'il possédait dans ce pays ont été complètement détruites, brûlées par la terrible lune rousse qui a sévi dans la nuit du 15 au 16 décembre et dont le souvenir est présent à la mémoire des agriculteurs. Tout est à replanter. Or, le lichen met au moins 10 ans avant de rapporter le plus mince profit. D'ici là, que voulez-vous qu'il fasse, mon pauvre ami Gustave? Je vous le demande un peu, que voulez-vous qu'il fasse? Ces deux catastrophes, survenues dans mon entourage, ont assombri mon caractère d'habitude plutôt enjoué. Mais soyons un homme et sachons nous raidir contre l'adversité. Envolez-vous, Blue Devils, et allez retrouver le grand diable, votre maître. Aussi bien, les gens ne sont pas si malheureux que ça. Ils ont l'air malheureux, mais quand on va au fond des choses, on s'aperçoit qu'ils sont plus riches que vous. Témoin, ce monsieur qui achetait hier soir le temps, en même idem que moi. Il explora longuement ses poches et n'y trouva point les 15 centimes exigés par M. Hébrard pour la livraison de son vespéral organe. Tristement, le monsieur remit le temps où il l'avait pris, s'excusant auprès de la dame du kiosque. « Excusez-moi, madame, je n'ai pas d'argent. » Comme ce monsieur avait toutes les allures du véritable gentleman, et aussi une belle jaquette neuve, et aussi de belles bottines laquées, et aussi un beau chapeau bien luisant, je ne crus pas me risquer trop en lui proposant le prêt de ses 15 centimes. Il accepta, me demanda ma carte en vue d'une prochaine restitution. Comme je n'avais pas de carte à moi, je lui remis celle de Raoul Ponchon, qui fera une drôle de tête en recevant ses 3 sous. Mais cela n'a aucun rapport avec mon récit. Le gentleman semblait littéralement foudroyé par le destin. « Ah, c'est bien triste, allez, monsieur, de se trouver dans Paris sans un sou. J'ai froid et rien pour me couvrir. J'ai soif et rien pour m'abreuver. J'ai faim et je ne sais pas où je dînerai ce soir. Et où coucherai-je cette nuit ?» Comment diable un monsieur si bien mis en était-il venu à telle pénurie? Ma nature pitoyable ne manqua pas cette belle occasion de se manifester. « Monsieur, lui dis-je, je ne suis pas bien riche, mais si je puis vous être utile en quelque chose... »« Utile? En quoi ?»« Si une petite somme, merci bien. J'ai oublié chez moi mon porte-monnaie, mais si je veux de l'argent, je n'ai qu'à monter et à mon cercle. »« Vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas où dîner. » »« Je ne sais pas où dîner parce que je suis invité dans 3 maisons différentes. » Vous prétendiez avoir froid et ne savoir comment vous couvrir. J'ai eu l'imprudence de sortir sans par-dessus. Vous avez soif, disiez-vous. Horriblement soif. Et au lieu d'argent, vous feriez bien mieux de m'offrir un boc. Je fus tout de même un peu vexé de voir que ce gentleman s'était payé ma tête. Pour arriver. Un vieux clerc d'huissier, poète mort jeune et revenu de tout, même de Paris, lui avait donné cette expérimentale et précieuse indication. « Mon petit ami, tu vas à Paris faire de la littérature. Parfait. Que tu aies du talent ou pas de talent, c'est kif-kif bourricot, comme dirait Sarcey. Pour arriver, faut du culot, des relations et de la publicité. Du culot, ça deviendra tout seul. Des relations, tu t'en feras par les demoiselles d'abord. » Par les dames, ensuite. Tu es assez joli garçon et assez roublard pour ça. Quant à la publicité, ne compte pas sur les autres. Fais-la toi-même, ta publicité. Arrange-toi pour faire imprimer ton nom dans les journaux tout le temps, à propos de bottes, à propos de demi-bottes, à propos de savates, à propos de rien du tout. Encore une petite absinthe, veux-tu ? Le jeune homme accepta de commander une nouvelle absinthe pour son ami le vieux clerc d'huissier qui connaissait si bien le Paris des lettres et des arts. Le lendemain, notre jouvenceau, à bord d'une confortable troisième classe d'un excellent train omnibus, cinglait vers la capitale. Bien décidé à mettre en pratique les conseils du sous-officier ministériel, il s'affubla, dès les premiers jours, d'un aplomb ineffable. Des relations, il s'en créa d'une façon fort intelligente, ma foi, mais dont la description déborderait le mince cadre où je dois me confiner. Quant à la publicité, il la pratiqua d'une manière à la fois fort ingénieuse et terriblement encombrante. Avoir son nom imprimé dans les journaux tout le temps, à propos de bottes, à propos de demi-bottes, à propos de savates, à propos de rien du tout, telle fut sa bien arrêtée devise. Quelques jours après son arrivée à Paris, il lut dans les journaux qu'un cambrioleur avait dévasté une chambre de bonne dans la rue Paul-Hervieux. Fort heureusement, ajoutait le fait divers, le concierge eut le temps de fermer sa porte et le larron fut arrêté par deux gardiens de la paix qui se trouvaient là par le plus grand des hasards. Ce malfaiteur était un nommé Durand, déjà condamné pour nombreux méfaits et recherché par la police. Notre nourrisson des muses, qui s'appelait, j'ai oublié de le dire, César Durand, où avais-je la tête, se frappa le front d'un doigt génial et écrivit ce billet, qu'il recopia sur une trentaine de feuilles de papier et qu'il adressa à une trentaine de journaux. Monsieur le rédacteur, vous racontiez hier dans votre estimable journal qu'un nommé Durand venait d'être arrêté au moment où il dévalisait une chambre de bonne dans une maison de la rue Paul-Hervieux. Voulez-vous avoir l'obligeance de rassurer ma famille et mes amis en annonçant que je n'ai rien de commun avec ce regrettable anonyme ? Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, etc., etc., César Durand, homme de lettres. Cette rectification passa, comme une lettre à la poste, dans une vingtaine de journaux parisiens. Certains organes même tinrent à agrémenter la communication de quelques lignes confraternelles et aimables pour le jeune César Durand. Un tel début l'encouragea. Plus jamais on imprima dans les feuilles le nom de Durand, sans qu'une rectification signée César Durand ne parût le lendemain même. Il s'enhardit. Un jour, les journaux annoncèrent qu'on avait assassiné à Saint-Ouen un vieux brocanteur dont on ne connaissait que le sobriquet Coco. Vite, César Durand prit sa plume et conjura les gazettes de rassurer sa famille et ses amis en affirmant que la victime n'avait rien de commun avec lui, confusion possible, car lui aussi avait porté le sobriquet de Coco au lycée, et encore maintenant ses petits-neveux ne l'appelaient que l'oncle Coco. Cette communication ne rencontra l'hospitalité que dans de vagues organes peu encombrés et encore moins lus. Beaucoup de secrétaires de rédaction commençaient à avoir soupé des petits billets de César Durand. César Durand se rabattit sur les échos de théâtre. Chaque fois qu'au courrier des théâtres on annonçait qu'un directeur venait de recevoir chose, une pièce en trois actes de Monsieur Machin, César Durand protestait avec la plus sombre énergie. Lui aussi avait dans ses cartons une pièce en trois actes, intitulée « Chose ». Certes, il ne doutait pas de la bonne foi de M. Machin, mais il tenait à réclamer la priorité de ce titre arrêté depuis plus de 3 ans. Dans cette voie, César Durand alla un peu loin, et le billet qu'il vient d'adresser à messieurs les courriéristes théâtraux pourrait bien lui clore à jamais cette inoffensive publicité. Un journal, ces jours-ci, insérait cette petite note. Monsieur Sardou travaille en ce moment à une pièce à grand spectacle qui sera donnée cet hiver. Le sujet de cette pièce est encore tenu secret, ainsi que le théâtre auquel elle est destinée. Quant au titre, rien n'est encore décidé. César Durand ne pouvait point laisser passer une si belle occasion. Monsieur le rédacteur, vous publiez dans vos colonnes l'écho suivant. Monsieur Sardou travaille, etc., etc. Or, par une rencontre de circonstances où je ne veux voir qu'une coïncidence, assez bizarre, avouez-le, je travaille moi-même à une pièce à grand spectacle. Le sujet de cette pièce est encore tenu secret, ainsi que le théâtre auquel elle est destinée. Quant au titre, rien n'est encore décidé. Je ne veux pas recommencer un procès, fait souvent à M. Sardou, mais pour tout homme loyal, il y a cette fois autre chose qu'un hasard fortuit. J'attends sans crainte la réponse de M. Sardou. Veuillez agréer, mon cher confrère, etc. César Durand, auteur dramatique. Hélas. Hélas, les chers confrères furent rebelles à la protestation de César Durand, auteur dramatique. Ils la jugèrent insuffisamment fondée et ne l'insérèrent pas. César Durand cherche un autre truc. Un véritable explorateur. Ce jour-là, certes, il faisait froid. Je ne serais pas assez idiot pour prétendre le contraire. Il faisait froid. Un de ces braves petits froids secs qui vous ont un léger goût de pierre à fusil et qui font dire au monde que, si ça continue, on devra se vêtir plus chaudement. Encore une fois, il faisait froid, mais, nom d'un chien, pas assez froid pour nécessiter cette lourde houppelande longue jusqu'aux pieds, ce bonnet d'astrakhan, ses bottes fourrées et ses gants de renard bleu. Plus je me moquais de sa tenue quasi-polaire, plus cet imbécile semblait s'y complaire. Il se mirait dans la glace, ajustait son col, tirait ses manches, et d'un coup de poing rectifiait l'économie de son bonnet. Très agacé de ce manège, j'en arrivais à lui dire des choses plus déplaisantes que ne comportait la situation. Il riposta aigrement. Je maintins mes acrimonies, et il me tendit sa carte. Pascal Lagneau, explorateur. Nouvelles Ambles. Pascal Lagneau, explorateur ? Si je ne suis pas mort de rire en lisant ces mots, c'est que ma destinée n'implique pas la mort par le rire. À vous, ça ne paraît pas drôle, parce que vous ne connaissez pas Pascal Lagneau. Mais pour moi, qui l'ai connu pas plus haut que ça, la chose comportait un irrésistible comique. Pascal Lagneau, entre mille autres détails typiques, vint s'installer à Paris dans les environs de 1878. Depuis ce moment, il ne quitta plus la capitale qu'une fois par an, au moment des courses de Trouville, et encore, c'était pour aller à Bougival. Et c'est ce monsieur qui tendait sa carte avec la qualité d'explorateur à la Nouvelle-Zemble. Avec énormément de dignité, je lui rendis son carton, le flagellant de ses paroles vengeresses comme des lanières. « Mon ami, vous êtes un farceur !» Alors, sans raison apparente, je dis apparente, car vraiment il n'avait pas l'air plus gris que vous ou moi. Le voilà qui fondit en larmes, me serra sur son cœur et m'entraîna dehors. Oh, « Viens, viens » gloussait-il, « je vais tout te dire. Toi, tu me comprendras. » Nous entrâmes au New Old Bar, qui par bonheur se trouvait à un quart de portée de fusil. Et j'appris, longuement conté en de diffus propos, l'histoire suivante. Pascal est, à l'heure qu'il est, du dernier bien avec une petite femme mariée que son mari, un sale type, fait étroitement surveiller, bien qu'ils soient tous les deux en instance de divorce. Jusqu'à présent, la pauvre petite créature a tous les droits pour elle. Mesdames, si on la pinçait en flagrant délit avec un quidam, les choses procédurières prendraient pour elle un autre reflet, sans doute. Évitons le flagrant délit, telle est la devise de nos deux tourtereaux. À ce but, le brave Pascal imagine un radieux truc qui diminue en de fortes proportions les chances de pinçage. C'est son susdécrit costume d'explorateur. Oyez-en l'avantage ! Alors qu'il est vêtu d'une seule chemise et que l'arrache à ses occupations l'indiscret toc-toc du commissaire et du mari, Pascal Lagneau peut, en costume d'explorateur, ouvrir lui-même la porte à ces messieurs, moins de 10 secondes après la sommation, battant ainsi de 5 secondes le record des pompiers de Montréal, en d'autres circonstances, il est vrai. Les bottes, la houppelande à laquelle attiennent les gants et le bonnet, tout cet attirail est chaussé, enfilé, coiffé en 10 secondes. Toujours le sourire sur les lèvres, Pascal Lagneau reçoit le commissaire, sceptique, et le grincheux mari. De la meilleure grâce du monde, il leur offre sa carte, leur confie qu'il n'a pas voulu s'embarquer pour les régions polaires sans avoir présenté ses devoirs respectueux à la petite dame. Et le tour est joué. Le commissaire, toujours sceptique, le mari, plus grincheux encore, n'ont plus qu'à se retirer. Et mon ami Pascal n'a plus, comme disait cette vieille canaille de père Thiers, qu'à reprendre ses chères études.